Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter le fait de percevoir l'état réel des mécréants et ce dans quoi ils se trouvent comme également évident permet aux musulmans de se rendre compte plus du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il est Islahul Ummah, réformation de la communauté. Quelles que soient les œuvres qu'ils auront accomplies et leur nombre, elles n'auront aucune valeur et aucun poids le jour de la résurrection si ces derniers mouraient dans la mécréance. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Le diable leur a enjolivé leurs actions. Elles sont ainsi à leurs yeux bonnes, alors qu'en réalité, ils sont sourds, muets, aveugles et morts. Ils ne comprennent pas et sont dépourvus de raison. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Le corps du mécréant est tel un cadavre, quand bien même celui-ci mange et boit, car il est en réalité sans vie. Prends donc conscience de tout cela, ô toi le muslim. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Ce sont des perdants. Les mécréants sont des perdants, et ils regretteront leurs actes et leurs comportements. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Allah a maudit les mécréants, et il leur a préparé une fournaise dans laquelle ils y demeureront éternellement. Sermon numéro 14. Istish'aru ni'mati l'islami bima'rifati ahwali l'kafirin al-tura. La perception des bienfaits de l'islam à travers la connaissance des différents états des mécréants arrogants et rebelles. Donc loue ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et remercie-le et prends soin de ce bienfait qu'est l'islam en te soumettant réellement au commandement d'Allah azza wa jalla et en t'accrochant correctement et fermement à sa religion comme Allah azza wa jalla le veut selon le Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix et le salut soient sur lui ainsi que sur sa famille. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint de mourir qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh, vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ceci étant dit, ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs de nombreux bienfaits. Et parmi les plus importants d'entre ces bienfaits, il y a ce qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué dans sa parole: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il envoya en leur sein un messager de parmi eux qu'il leur récite les versets d'Allah, les purifie et leur enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse, la sunna, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ainsi, l'ensemble des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla tourne autour de ce bienfait cité dans ce verset. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs sont nombreux, mais celui-ci est le plus important entre eux. Et rien n'est égal à ce bien dans la vie de l'homme, à savoir l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, parlant la langue du peuple vers qui il a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyin. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de leur exposer le message. Allah tabaraka smuhu a ainsi dit: Rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati, un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite les versets d'Allah. Donc cette faveur grandiose est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à cette communauté afin de les purifier avec le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé, wa yuzakkihim, et les purifie, c'est-à-dire dans leur comportement, leurs affaires, leurs paroles et leurs gestes, et ainsi que dans leurs croyances et dans d'autres domaines encore. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et le mot sagesse a pour sens ici la sunna, la tradition prophétique. Et il s'agit là du plus noble des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs. Et du même sens que le précédent verset, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. C'est lui qui a envoyé à des gens son livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite les versets d'Allah, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc l'égarement était ancré dans cette communauté jusqu'à ce qu'il leur fût envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui les purifia à l'aide du Coran et de la sagesse ainsi que les nobles vertus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé dans le but de concrétiser le noble comportement. Ô vous les gens, les muslimounes sont dans un immense bienfait. Il leur est donc obligatoire qu'ils le ressentent et qu'ils en prennent soin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamatina. J'ai parachevé aujourd'hui pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Les musulmans ont été comblés de cette grande faveur qu'est l'islam, qui leur garantit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le bonheur dans les deux demeures, c'est-à-dire la vie présente et celle de l'au-delà. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie heureuse et agréable, et nous les récompenserons certainement en fonction du meilleur de ce qu'ils accomplissaient. Les musulmans sont en sécurité et protégés tant qu'ils seront fermement ancrés et consolidés dans l'apprentissage de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ceux qui ont dit: notre Seigneur est Allah, et qui se soumettent au commandement divin, les anges descendent sur eux et leur disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos protecteurs dans cette vie présente et dans celle de l'au-delà, et il vous sera accordé, c'est-à-dire au paradis, tout ce que vos âmes désireront et tout ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. Tout cela est garanti par Allah Azzawajal pour quiconque se sera fermement accroché à l'islam, car il est bel et bien dans un bien. Ses droits sont préservés, son honneur est préservé, son sang est préservé, ses biens sont préservés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le muslim dans son intégralité est sacré, son sang, ses biens et son honneur. Sa morale et son éthique ont été purifiées, et ses paroles sont droites et justes. Ses actions sont fondées selon les lois religieuses en adéquation avec celles-ci. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Puis nous t'avons mis sur une voie droite suivant notre ordre, la religion islamique. Suis-la donc et ne suis pas les passions des ignorants. Ils ne te sont d'aucune utilité face à Allah, et certes les injustes sont alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est l'allié et le protecteur des pieux. Et il est possible aux musulmans d'augmenter la perception de ce bien dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire l'islam, ainsi que la sunna évoquée dans les précédents versets par la sagesse. En effet, son ressentiment augmente à travers l'évocation des différents états des mécréants. Il en est ainsi, la perception de cette faveur immense qu'a l'islam se renforce en se rappelant les différents états des mécréants, arrogants et rebelles, et ce dans quoi ils se trouvent, comme égarement, trouble, criminalité et délire. Leur vie est ainsi perdue et gaspillée, de même que leur morale et leur éthique qui sont mauvaises, et ils se trouvent en réalité dans une situation des plus dangereuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne quitte pas les gens injustes. Allah tabaraka smuhu a dit: Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin qui mène à Allah, Allah a rendu leurs œuvres vaines. Et toi le muslim, tes actions sont comptabilisées. Chaque œuvre que tu accomplis est préservée, afin qu'Allah Azza wa Jalla te récompense pour son accomplissement le jour de la résurrection, et étant gratifié d'une bonne rétribution également dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ainsi, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et il a aussi dit Azza wa Jalla: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Alors quiconque fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, nous ne dénigrerons pas son effort et l'inscrirons à son actif. Ainsi, les bonnes actions que tu accomplis sont écrites auprès d'Allah Azzawajal à l'échelle du bois d'un atome, tandis que les mécréants, leurs actions sont caduques. Leurs œuvres ne sont bâties que suivant leur passion et sont donc vaines, cela parce qu'elles n'ont pas été accomplies sincèrement par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, suivant la guidée de son messager sallallahu alayhi wa sallam et les préceptes de sa religion. Mais elles n'ont été en réalité accomplies que par assouvissement de leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ishaw. Vois-tu celui qui prend ses passions comme divinité et qu'Allah égare sciemment et scelle son ouïe, son cœur et étend un voile sur sa vue? Qui d'autre qu'Allah peut le guider? Ne vous rappelez-vous donc pas? Aveuglés par un voile déposé sur leur vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ara'aita man ittakhadha ilaha hawa afa anta takunu alayhi wakila? N'as-tu pas vu celui qui a pris ta passion comme divinité? Est-ce à toi d'être son garant? C'est-à-dire que tu ne peux pas être responsable de quelqu'un qui suit sa passion au point de la prendre comme divinité. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux et même plus égarés encore. Ô toi le musulman, ressens les bienfaits de l'islam sur ta personne, car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé est le bonheur dans cette vie présente et dans celle de l'au-delà. Parfaitement, ce qu'il t'a accordé, à savoir l'islam et la sunna, est bien meilleur pour toi si tu mourrais dans cet état, tout en ayant fait les efforts d'y prendre soin. Accroche-toi donc sérieusement et avec force à ce bienfait qu'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَخُذْهَا بِخُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Prends donc les tablettes fermement au Moussa, c'est-à-dire Moïse, et ordonne à ton peuple d'en appliquer les commandements de la meilleure des façons. Je ferai bientôt voir la demeure des pervers. Allah a ainsi informé au sujet de Moussa alayhi salam, qui lui ordonna de prendre cette religion avec force, et il commanda à son peuple de la prendre également avec fermeté, et il leur a fait la promesse qu'il anéantira les pervers mécréants et qu'il allait leur montrer leur maison vide, désertée de tout habitant. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit plus tard, il détruisit ainsi Pharaon et son peuple et établit Moussa ainsi que ceux qui étaient avec lui. Ainsi, lorsque tu médites sur les différents états des mécréants et la destinée de leurs vaines actions accomplies uniquement par passion, tu perçois le bienfait de l'islam, qu'Allah t'a choisi et honoré. Allah t'a ainsi créé, toi et eux. Et il t'a accordé ta subsistance à toi, de même qu'à eux. En revanche, il t'a choisi et fait de toi une personne soumise à Allah, appartenant à la communauté des croyants et des sages, de la communauté des muslimoun et de la sunna. Il t'a ainsi élu. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Il t'a ainsi choisi et fait de toi un muslim parmi des millions de gens que nul n'est capable de dénombrer, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les mécréants, les polythéistes, les athées, les hypocrites, les pervers, ainsi que tous les gens destinés à l'enfer. Et tu n'es en fait face aux gens du feu que tel un cheveu blanc sur la peau d'un taureau noir, ou tel un cheveu noir sur la peau d'un taureau rouge, comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu fasses partie de ceux qui sont tels ces cheveux blancs purs au milieu de tous ces gens mécréants. Alors ressens cette immense faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne et regarde l'état de ces mécréants et quelles sont leurs actions. Allah azawajal a dit dans son noble livre: Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fahalakatha. Ce que les mécréants dépensent dans la vie présente est semblable à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont laissés eux-mêmes, puis qui le détruit. Regarde donc cet exemple grandiose, un vent glacial qui s'abat violemment sur un champ, détruisant tout sur son passage et ne laissant rien. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes omnipotent. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré ce qu'ils ont accompli comme œuvre, puis nous les avons réduits en poussière éparpillée. Toutes leurs actions partiront vainement et seront perdues, car elles se seront heurtées avec la mécréance. Elles ne seront ainsi point comptabilisées. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Voilà l'écartement profond. Quelles que soient les œuvres qu'ils auront accomplies et leur nombre, elles n'auront aucune valeur et aucun poids le jour de la résurrection si ces derniers mouraient dans la mécréance. Aucune valeur. Nous n'assignerons à leurs actions aucun poids au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَةٍ. Mais quant à ceux qui auront mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, c'est-à-dire une terre plate sans eau ni végétation. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Que la soif prend pour de l'eau jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Il s'aperçoit alors que ce n'était rien. En revanche, il y trouve Allah qui lui réglera ses comptes. Et Allah règle les comptes rapidement. Allah le jugera en prenant en compte l'intégralité de ses bonnes actions, car il n'aura pas avec lui de bonnes actions. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient accompli comme œuvre eût certainement été vain. Et il t'a certes été révélé de même qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes quelqu'un ou quelque chose à Allah dans son adoration, ton œuvre sera vaine, et tu seras alors assurément du nombre des perdants. Donc adore plutôt Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Ce sera donc une très grande perte pour quiconque sera mort dans le polythéisme, le shirk ou la mécréance, le kufr. وَمَنْ يَلْتَدِنْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux parmi vous qui apostasieront de leur religion et mourront mécréants, alors ceux-là, vaines seront leurs actions dans la vie présente et la vie future. Voilà les gens du feu de l'enfer, et ils y demeureront éternellement. Tes faits et gestes sont justes et droits, en adéquation avec les préceptes de la religion, toi le musulman, et préservés grâce à ta sincérité et ton suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc une grâce. Rends-toi-en compte et ressens-la. En revanche, les actes des mécréants sont vains, et ils ne seront en rien récompensés pour ceux qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas, ne serait-ce que l'équivalent d'une pellicule, d'un noyau de date, et aussi nombreuses soient leurs actions. Quand bien même ils auraient accompli par moments des actes de générosité, ou qu'ils auraient fait preuve de bienfaisance envers des proches, ou tout autre acte qui aurait été normalement recensé dans leur compte de bonnes œuvres s'ils avaient été musulmans. Mais toutes ces actions seront insignifiantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles auront été accomplies par passion, non par obéissance et sincérité envers Allah azza wa jalla et suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu les vois aveugles, alors que toi, tu es clairvoyant. Allah t'a ainsi distingué d'eux en te permettant de voir et de comprendre réellement les choses, alors qu'eux sont aveugles, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits de la sorte dans son noble livre, le Coran. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent ainsi revenir de leur égarement. Et il a également dit, Azza wa Jalla, inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'azim. Certes les mécréants, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et il a placé un voile épais qui recouvre leur vue, et ils auront un grand châtiment. Le mécréant, est ainsi pareil à une pierre, si ce dernier est sourd, muet et aveugle. Il est semblable à un rocher, quand bien même il te voit, et il voit ce qui est devant lui, et qu'il entend des bruits autour de lui, ou qu'il parle. Malgré cela, il est considéré religieusement comme étant sourd, muet et aveugle, comme cela a été évoqué dans les précédents versets. Et effectivement, il lui est impossible, dans cet état, de comprendre ce que tu lui racontes, le cœur ayant été scellé, alors que toi, Allah tapait-on de la compréhension de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Nous avons destiné beaucoup de djinns, des créatures invisibles, et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, et même plus égarés encore. Si les bestiaux entendent, alors les mécréants sont considérés comme étant dans une plus grande perdition. Les bestiaux, eux, voient dans la limite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de voir, alors que les mécréants ne voient rien. Donc ils sont considérés comme étant plus égarés. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, et même plus égarés encore. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, ô toi le musulman, une immense faveur en te distinguant d'eux, c'est-à-dire des mécréants, et en t'octroyant la vue ainsi que la vie, alors que les mécréants sont considérés comme étant morts. Donc loue ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et remercie-le, et prends soin de ce bienfait qu'est l'islam, en te soumettant réellement au commandement d'Allah azza wa jalla, et en t'accrochant correctement et fermement à sa religion, comme Allah azza wa jalla le veut, selon le Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche au milieu des gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est ainsi que nous avons enjolivé aux mécréants ce qu'ils accomplissent. C'est-à-dire que les mécréants vivent dans l'illusion et la tromperie. Le diable leur a enjolivé leurs actions. Elles sont ainsi à leurs yeux bonnes, alors qu'en réalité, ils sont sourds, muets, aveugles et morts. Ils ne comprennent pas et sont dépourvus de raison. Toutes ces descriptions proviennent du livre d'Allah Azza wa Jalla. Et il est possible que l'un d'eux se considère comme étant parmi les plus ingénieux et les plus talentueux de la planète, alors qu'en réalité, il est considéré comme étant dénué de raison et de compréhension, quand bien même celui-ci venait à comprendre beaucoup de choses cette dunya, cette vie ici-bas. Mais cette compréhension est en fait vile et basse, d'aucune utilité, tant qu'il ne l'aura pas mise au profit des lois d'Allah Azza wa Jalla, ainsi que de sa religion. Il en est ainsi. Allah Azza wa Jalla a dit قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Dis-leur, ô toi Muhammad, sont-ils égaux, celui qui voit et celui qui ne voit pas? Ne réfléchissez-vous donc pas? Allah Azza wa Jalla a aussi dit وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Celui qui voit et celui qui ne voit pas ne sont pas semblables, de même que les ténèbres de la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, et également les morts et les vivants, ils ne sont pas semblables. Certes, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Ils ne sont pas semblables. Les mécréants sont morts, tandis que les musulmans sont vivants. Comment pourrait-on ainsi mettre à égalité le vivant et le mort au corps inerte? Le corps du mécréant est tel un cadavre, quand bien même celui-ci mange et boit, car il est en réalité sans vie. Prends donc conscience de tout cela, ô toi le musulman, et ressens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné vie par le biais du Coran. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wa lal iman walakin ja'alnahu nuran nah نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre, toi Muhammad. Avant cela, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en réalité, tu guides vers un chemin droit. Ressens que tu es dans une lumière, tandis qu'autrui est dans les ténèbres, parmi les mécréants, les polythéistes et les égarés innovateurs. Tous sont dans la déroute et les ténèbres dans les profondeurs des ténèbres, alors que toi, tu es dans une lumière. Allah Azza wa Jalla a certes dit: Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Fa amma alladhina amanu billahi wa a'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadla wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Ô vous les gens, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante, le Coran. Alors ceux qui auront cru en Allah et qui se seront fermement accrochés au Coran, il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Et cela n'est réservé qu'à quiconque se sera fermement accroché à la corde d'Allah. Et sa corde est le chemin droit, et sa corde est la vérité, et sa corde est la guidée, et sa corde est la luminescence. Et cela ne nuit en rien au musulman s'il lui arrive parfois qu'il commette une faute ou une erreur, ou qu'il dérape, car son retour est vers le chemin droit. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Certes, les gens pieux, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent alors d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Mais quant à ceux qui ne le sont pas, leur partenaire diabolique les enfonce dans leur aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Ainsi, malgré le grand nombre des gens qui vivent dans l'égarement et l'aberration, et tout ce qui pousse et incite à dévier du droit chemin, ainsi que toutes ces mauvaises fréquentations, malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala éclaire l'esprit du croyant pieux s'il dévie du droit chemin, grâce à son attachement au Coran et à la Sunna, et aussi à cause de son attachement à cette lumière et à cette purification divine à travers le message prophétique. Regarde l'état des mécréants et leur opposition à la vérité et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que toi, tu es orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala et dirigé vers lui. Ainsi, Allah a préparé pour eux un terrible châtiment à cause de leur détournement. Bal ajibta wa yaskharun wa idha dukkiru la yadhkurun wa idha ra'u ayatin yastaskhirun. Mais toi, tu t'étonnes quand tu as eu ce moque. Et lorsqu'on leur rappelle Allah, cela ne leur fait rien. Et quand on leur montre un de nos signes, ils cherchent à s'en moquer. Ainsi, lorsqu'on leur fait leur appel, ils ne réagissent pas. Si tu rappelles aux mécréants Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'évocation du Coran et de ses versets, et aussi par le biais de récits prophétiques, et que tu l'exhortes à craindre son Seigneur, cela ne lui fait aucun effet. Sourd, telle une pierre dure. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, c'est-à-dire les Juifs. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres qui se fendent pour qu'en surgisse de l'eau, et d'autres qui s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est certainement pas inattentif à ce que vous faites. Mort, aveugle, sourd, comment expliquer cela? Semblable à une pierre, et même pire encore, car il y en a parmi les pierres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrites comme étant dans un meilleur état que les mécréants. Alors que toi, il t'a élu, toi le muslim, parmi la masse de gens, et il t'a orienté vers la vérité et son acceptation. Et lorsqu'on t'exhorte à la crainte d'Allah, tu réagis positivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعْمِيَانًا. Et ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, ceci est le cas du croyant. Lorsqu'on lui fait le rappel à l'aide de versets tirés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses signes, et il ne réagit pas face à elle tel un sourd aveugle. Bien au contraire, il devient clairvoyant et réfléchit et médite dessus. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement de contradictions. Médite sur les états des mécréants et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits et comparés à des animaux, alors que toi, il t'a distingué d'eux et t'a fait honneur. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam, les êtres humains, en les ayant transportés sur terre et mer et en leur ayant attribué de bonnes choses comme subsistance, et nous les avons assurément préférés à de nombreuses autres créatures. Les caractéristiques des croyants sont admirables, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mécréants comme étant des perdants, et il a préservé le croyant, le musulman, celui qui se met sur le droit chemin. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. L'homme est certes en perdition, excepté ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Les mécréants sont des perdants. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Dit, certes les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. Voilà bel et bien la perte évidente. Donc toi le croyant, tu as gagné dans ton commerce avec Allah Azzawajal, comme il te l'a exposé dans son livre. Allah Azzawajal a en effet dit: Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ceux qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur et qui croient en ces versets et en ces signes et qui ne lui associent rien dans leur culte qui lui voue et qui donnent de leur bien et accomplissent de bonnes œuvres tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils retourneront à leur Seigneur, ceux-là se précipitent d'accomplir de bonnes actions et sont les premiers à les exécuter. Et il a aussi dit Azza wa Jalla: Yarjuna tijaratan lan tabur. Ils espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'is zakah yakhafuna yawman tatakhallabu fihi al qulub wal absar. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on bâtisse, les mosquées, et où son nom est évoqué, le glorifiant son saint, matin et après-midi, des hommes qui nient le négoce ni le commerce ne distrait de l'invocation d'Allah Azzawajal, de l'accomplissement de la salah, la prière, et de l'acquittement de la zakat, l'aumône obligatoire, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Allah t'a ainsi préservé que tu ne te détournes de son rappel, et il t'a choisi et nettement préféré à de nombreux autres de ses créatures, tandis qu'il a dit au sujet des mécréants: Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. L'heure approche et la lune s'est fendue, et lorsque les mécréants voient un de nos signes, ils sont détournés, disent: cela n'est que de la magie persistante. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يتم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Le jour du règlement des comptes approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Nul rappel venant de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne l'entendent, en s'amusant le cœur distrait. Allah Ainsi fait que ton cœur soit vivant, réceptif et compréhensif. En revanche, il a rendu celui des mécréants inattentif. Ceci donc est une immense faveur. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il envoya en leur sein un messager de parmi eux qui leur récite les versets d'Allah, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adoré qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, que la paix et le salut soient sur lui ainsi que sur sa famille. Ceci étant dit, lorsqu'on médite sur les différents états des mécréants et leur shirk, le fait qu'ils adorent autre qu'Allah ou qu'ils lui associent quelqu'un ou quelque chose dans son adoration, tu constates qu'ils se sont perdus. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre un reposoir et du ciel un toit, et qui a fait descendre la pluie du ciel, et qui par elle fait surgir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous, ne lui associez donc pas des égaux, car vous savez qu'il n'y en a pas. Ils ont ainsi donné au Seigneur des mondes des semblables qu'ils adorent. Voilà donc la base et la cause de leur aveuglement et de leur assourdissement, ainsi que la raison pour laquelle ils sont devenus muets et autres encore parmi ceux qui caractérisent les gens égarés. Et ils ont également associé Allah Azza wa Jalla autre que lui dans son adoration. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi qu'al masih ibn maryam, Jésus fils de Marie, comme divinité en dehors d'Allah, alors qu'il ne leur avait été commandé cependant que de n'adorer qu'une seule et unique divinité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla. Il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté lui, gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Les mécréants, parmi les juifs et les chrétiens, essayent par tous les moyens d'éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jalla, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun. Les mécréants veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Ils se détournent du Seigneur de l'univers, alors que toi, tu agrées ce qu'Allah agrée, et tu te mets en colère pour ce qui provoque la colère d'Allah. وَمَنْ يُشَارِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque se sera écarté et détourné du messager d'Allah, après que le droit chemin lui aura été apparu, et aura suivi un sentier autre que celui des croyants, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Allah a maudit les mécréants, tandis qu'il t'a épargné être maudit, ô toi le muslim. Et ils ont été maudits par l'ensemble des prophètes envoyés aux enfants d'Israël, les descendants de Yaqub, Jacob, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux parmi les descendants d'Israël, c'est-à-dire Jacob, qui avaient mécru, ont été maudits de la bouche de Daoud, David et Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient leurs commandements. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement ce qu'ils commettaient de blâmable, comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ويلنا أطعنا الله وأطعنا الرسول اللهم اجر المكريون Et il leur a préparé une fournaise dans laquelle ils y demeureront éternellement. Ils n'y trouveront ni alliés, ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu de l'enfer, ils diront « Malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager !» Ils ne sont que des suiveurs, alors que toi, tu suis la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adhalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhab wa la'anhum la'nan kabira. Et les mécréants diront le jour du jugement dernier: Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et c'est eux qui nous ont égarés du droit chemin. Ô notre Seigneur, inflige-leur un double châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. Et dans une autre lecture, وَلَعَنْهُمْ لَعْنَنْ كَبِيرًا et maudit-les beaucoup. Ils demanderont ainsi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les maudisse d'une grande malédiction, puis eux-mêmes les maudiront après cela. اِذْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Quand les meneurs se désavoueront de leurs suiveurs à la vue du châtiment, et lorsque les liens qu'il y avait entre eux seront brisés, et les suiveurs diront: si seulement il nous était possible de retourner à notre vie terrestre, nous nous désavouerions alors d'eux, comme ils se sont désavoués aujourd'hui de nous. C'est ainsi qu'Allah leur montrera leurs œuvres, source de remords pour eux, et ils ne pourront sortir du feu de l'enfer. Ce sont des perdants. Les mécréants sont des perdants et ils regretteront leurs actes et leurs comportements. Antakhul nafsun ya hasratana ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin aw taqula hina tara al-'adhab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin bala قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Qu'une âme me dise alors le jour du jugement dernier: malheur à moi pour mes manquements et mes devoirs envers Allah, et je faisais partie des moqueurs. Ou qu'elle ne dise: si Allah m'avait guidé, j'aurais certainement été parmi les pieux. Ou bien encore qu'elle ne dise: en voyant le châtiment, s'il m'était possible de retourner à mon ancienne vie, je serais alors parmi les bienfaisants. Oh que si mes versets étaient certes venus à toi, mais tu les as traités de mensonges et tu t'es enflé d'orgueil et tu étais ainsi parmi les mécréants. Combien de gémissements, combien de soupirs et de regrets. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges alignés en rang et qu'on amènera l'enfer, alors ce jour-là l'homme se rappellera. Mais en quoi lui servira-t-il ce rappel? Il dira ainsi: si seulement j'avais œuvré dans le bien en préparation de ma vie future. Voilà l'état de celui qui se sera détourné du rappel d'Allah, tandis que ceux qui se seront soumis, leur avenir est bon. Nulle peur pour les musulmans, et ils ne seront point attristés. Et combien d'arguments tirés du Coran et de la Sunna font ressentir cela? Combien de preuves informent de leur grande joie le jour du jugement dernier et de leur vantardise face aux mécréants pour ce qu'Allah leur a préparé comme récompense? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Et quant à celui à qui on remettra son livre dans sa main droite, c'est-à-dire le croyant, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jura alors d'une vie agréable dans un paradis haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Il leur sera dit: mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé comme bonne action dans les jours passés. Et il existe de nombreux autres arguments qui vont dans ce sens et qui permettent de méditer à l'extrême sur ce sujet. Hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakta kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Seigneur, fais-moi revenir sur cette terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Eh bien non, ceci n'est qu'une simple parole qu'ils prononcent. Et il y a derrière eux, après leur mort, un temps intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Et le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le droit chemin avec le messager d'Allah. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Celui-ci m'a en effet égaré et détourné du rappel d'Allah après qu'il me soit venu. Et le diable abandonne assurément l'homme après l'avoir tenté. Le fait de percevoir l'état réel des mécréants et ce dans quoi ils se trouvent comme égarement évident permet aux musulmans de se rendre compte plus du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il est. Cela te pousse, ainsi au toi le musulman, à prendre grandement soin de cette immense faveur à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a distingué et avec laquelle il t'a élu parmi de nombreuses communautés de mécréants. Il a ainsi fait de toi une personne soumise et t'a préféré à tant d'autres personnes. Loue donc ton Seigneur, loue donc ton Seigneur et remercie-le pour cet immense bienfait et prends-en soin et honore la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et donne-lui sa véritable importance. Fastamsik billadhi وحي إليك إنك على صراط مستقيم. Accroche-toi fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le chemin droit. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوالى بروفيت سيدنا محمد nous t'avons envoyé aux gens en tant que témoins, annonciateurs et avertisseurs, et aussi afin d'appeler les gens à Allah par sa permission, telle une lampe éclairante, et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils auront de la part d'Allah une grâce immense. Et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et ne prête pas attention à leur méchanceté et leur désagrément, mais place plutôt ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.